le feu. Dans une communauté très chaleureuse et unie, un individu se sentait découragé et se tenait à l'écart des autres. Le conseil local demanda à un ami de l'aider à surmonter son désir d'éloignement. Bientôt, l'ami l'invita chez lui à dîner et lui témoigna de manière des plus naturelles beaucoup de gentillesse. C'était une nuit fraîche et après dîner, ils s'assirent tous les deux devant le feu, sirotant du thé et contemplant les flammes. Après quelques minutes, l'hôte eut une idée. Il prit un morceau de bois brûlant ardemment avec une paire de pinces et le déplaça dans un coin du foyer. Il se rassit en silence tandis que son invité regardait. La braise commença à perdre sa flamme et finit par s'éteindre. Avant que la soirée ne s'achève, il replaça le bois froid et mort au milieu du feu où il redevint une braise ardente. Pas un mot sur ce sujet ne fut prononcé au cours de la soirée. Mais alors que l'invité était sur le point de partir, il se retourna et dit « Merci pour la leçon enflammée. » À la réunion suivante de la communauté, chacun fut heureux de voir un ami qui leur avait cruellement manqué. « Nul homme n'est une île. » C'est là une expression fréquemment citée. Seul, aucun de nous ne peut aller bien loin. La vie communautaire est une partie essentielle de notre existence.